l'agonie, livre 3, chapitre 8. Le gynécée s'éveillait dans des bruits de levée de femmes et de passages discrets de nuques. Coiffées de mitras jaunes et blanches et les bras chargés d'anneaux d'argent qui sonnaillaient. Des esclaves couraient avec des plateaux d'eau chaude ou répandaient sur les parquets des fleurs et de la poudre d'or entraînées et en étoilement. D'autres emportaient des tentures de salle pour les battre au dehors et les réapposer ensuite aux hautes murailles ou des stucs peints érigés des horizons d'azur, aux sardoines immobiles. Des heures s'écoulèrent, une vie fourmillante éclosée en une matinée très dense de parfums et d'odeurs de cubicula, ou des demi-jours éclairés des libas, aux colonnes d'or, d'argent et d'électrum, sur les bords desquels des femmes se dressaient, les seins pendants, songeuses de nuits de plaisir et désireuses de nuits autres, d'embrassements fiévreux. Comme Sémias, elles avaient couru les lupanars en cette nuit que Madé vécut si terriblement. Et elles s'étiraient maintenant de lassitude en clignotant à l'éclairement douteux de fenêtres carrelées de talc qui avoisinaient les jardins aux végétations épaisses sentant bon. Dans la chambre circulaire où Sémias la surprit jadis, Attilias se réveillait. Abara accourait, la mettait hors du lit, droite, sur des peaux de panthère, et l'habillait lentement, sans quitter Cirictus lui coupant toute la face. « Il te faudra des bains, et te masser, et te polir de pierre ponce. Tes chairs sentent encore le lupanar, et cela est contraire aux jeunes femmes comme toi. » Elle l'asseyait sur ses genoux, comme une enfant, lui attachait ses sandales. « Elles vont venir, la coiffeuse et la fardeuse. Au moins qu'elles ne devinent où tu as passé la nuit. » Elle s'arrêta, puis, surtout avec qui ? Mais Attilia se frottait les yeux, bâillait, et, par instant, happée de coups de dents, la maigre main que la noire Abara promenait sur elle. Avec l'impératrice, la clarissime, la domina, la mère de sa divinité, que peut faire cela au monde? À moins que ton épouse Hopiscus n'en veuille tirer un sujet de poème. Elle rit fort, tout à fait réveillée par sa plaisanterie. Oui, si Hopiscus le désirait, je lui fournirais une composition de poème, et au besoin lui en répéterais les rôles. Tu n'en serais pas jalouse, toi? Abara eut un grincement de bouche sans dents. « Certes non, car Hopiscus est impuissant. Abara l'a vidé. » Attilia devenait songeuse, comme si un souvenir persistant la tracassait. Elle fit. « Es-tu sûre que ce n'était pas Madé ?» dit. « Non, car si ça avait été Madé, il l'eût dit. Sans doute Madé est mort. » Attilia bouda. C'est parce que je l'ai cru mort que j'ai suivi la clarissime Sémias. Certainement que je n'eusse arraché Madé à mon frère Attilius, mais mon frère Attilius était blessé. Il n'en eut rien su. Et puis je l'aimais, Madé. Il m'avait prise avec tant de violence. Mon frère Attilius, qui maintenant me voit avec peine, méritait bien la privation de Madé. On ne chasse pas ainsi un affranchi. Elle bavardait, et Abara l'écoutait, ses longs bras ballants. Enfin, elle conclut. « Et puis, je l'aurais encore désiré, Madé. Je t'assure que les autres hommes ne m'ont point donné ces caresses. Avec eux, c'est comme avec des bêtes. Lui était doux, fin, moelleux, parfumé, et il tremblait fort, et je tremblais fort, et nous étions émus à nous voir. Et des plaisirs que je n'ai plus ressentis sont venus de lui. » « Tu m'as conseillé, et la clarissime Sémias m'a emmenée. qu'en avons-nous retiré? Des fatigues de corps et des voluptés douteuses. Et je ne suis pas mariée, et je suis comme vierge encore. Je t'assure qu'il n'y a pas là matière à réjouissance, crois. » Les femmes la peignèrent et la fardèrent. Puis, en un cortège de nuques et d'esclaves, elle se dirigea vers Sémias. Des draperies de portes glissaient devant elle. Des sons de lyre s'évadaient dans des couloirs que du soleil, tombant de haut, blanchoyait. Quelquefois, des agiraspides passaient en éclairs de céruse, frappant leurs boucliers d'argent de leurs pilums d'argent. Et des appartements vibraient de tumultes d'hommes dont s'entrevoyaient les toges flottantes. Quelques-unes bordaient de la fascia pourpre des sénateurs. Mais, chez Sémias, le silence s'alourdissait. Un grand abandonnement de familier naissait autour d'elle. Il semblait que Mamméa eût aspiré toute vie et tout bruit. Somptueuse, le tour des yeux empâté de noir, fardé de rose et de blanc, avec une triple chevelure trempée dans un bain d'or et de perles, telle que des étoiles mourantes, un large collier au col nerveux et des sardoines en bout d'azur aux oreilles, Sémias se faisait vêtir par des esclaves qu'elle dominait de ses chairs demi-nues. Avelie et mal réveillée, elle clignotait toujours de sa cubicula. Quand Attilia parut, dans la pompe de son cortège plafonné d'éventails balancés de queues de paon, ocellés de lueurs bleues, de lueurs jaunes, de lueurs d'émeraudes allumées. « La mère d'Antoninus est oubliée pour celle d'Alexander, » s'exclama-t-elle. « Toi, au moins, tu te souviens ?» Elle disait cela sans amertume, plutôt avec une sorte de bonté qui toujours surnageait d'elle. Elle n'était ni cruelle ni égoïste, mais indulgente et large de cœur. Alors que Rome lui faisait une légende de meurtre d'homme, ce qui n'avait jamais été. Les libertés sexuelles l'avaient surtout désarmée. Sans volonté, elle vivait, maintenant, la personnalité à demi endormie. Des tumultes éloignés leur arrivaient. Sémias tressaillait, et Attilia, pensive, se sentait prise d'un malaise sans motif. Ils veulent ma mort, celle d'Antoninus, la tienne, celle d'Attilius, fit Sémias les jambes hors du lit et recouché à demi. Nous la leur laisserons, est-ce pas? À quoi bon la vie? Et elle s'abandonnait à des souvenirs, découragée, détraquée, avec, en un repli noir du cerveau, une indécise image qui s'agitait parfois. Tu as la face de ton frère, dit-elle tout à coup à Attilia, qui lui répondait aussitôt en un attendrissement. Il a bien souffert de sa blessure, mais il guérit, et bientôt Rome le verra à la tête de la garde d'Antoninus. Madé a dû le soigner. Et dans cette demande, revivait l'aiguë émotion de son amour pour Attilius, gisant cruellement en elle. Comme un être atrophié par un manque d'air et de soleil, avec sa jalousie pour l'affranchie, qu'elle ne savait point chasser par lui, Attilia ne lui ayant rien dit. Ces apparitions de vieilles passions se levaient surtout le lendemain de ces nuits de plaisir. Alors, avec ses grandes lassitudes, comme d'un sol fort riche, d'un ténébreux sol plein de vie, éclosait des fleurs exquises de sentiments et de regrets, et d'ignorées poésies remuaient en elle confusément, des ciels violets s'éployaient, des natures d'or et des natures roses montaient. Une âme nouvelle s'est dégagée d'elle-même et spiritualisait ses sensations sans qu'elle en eût bien conscience, comme si une autre humanité eût pris possession de sa personne. Elle en restait peinée, et des douleurs sauvages la prenaient, lui faisant oublier tout et davantage la brisant. Une hésitation les arrêtait à provoquer les souvenirs de la nuit. L'une en face de l'autre, elles avaient honte d'elles-mêmes, sentant éperdument l'espèce d'enfoncement dans de la boue et de l'obscur qui les aspirait. Et toutes deux préféraient l'éclat d'un jour de passion les traversant vivacement. Sémias pour Attilius, Attilia pour Madé, quelque plein d'indécision encore qu'il fût. Sémias se levait. Appuyée à Attilia, elle s'avançait vers les jardins. Des eunuques à la mitra de peau de panthère chassaient devant elle des esclaves et des clients. Des prétoriens alignaient leurs armures, trouant les feuillages, les teintes noires des cyprès et les teintes vertes, émaillées de sang, des rosiers. Elle restait silencieuse. Parfois des déchirements de trompettes couraient, stridents. En des éloignements, sous des portiques qui s'arrondissaient, blancs, des hommes passaient. Des hommes graves qu'on eût dit des sénateurs et des tribuns se dirigeaient vers Mamméa. Par-dessus les colonnades, à la violente polychromie de péristyle désert, le sommet de la tour élevé par son fils apparut, morne et toujours barbare dans ses draperies hyacinthes, écarlates et cramoisies au solitaire claquettement. Alors, tremblante, navrée, frappée par quelque chose d'intérieur qui la fit pâlir sous le fard de sa face, elle retourna sur ses pas avec Attilia, muette comme elle, pénétrée d'un suprême désir de voir Elagabalus à la vieille espérance, là-bas.